quand je prends rien. Quand je prends rien. Quand je suis plein, j'ai l'impression de voir le vide. Quand je prends rien, c'est pire car je suis lucide. Décidément, si vire, c'est dément de se demander si c'est difficile de s'endormir sous acide. En bougeant les bras sur du raton, le camp dira à ton fond sur moi, je tombe de bas car mon karma est comme une girouette en carton, garçon. Les pipailles en poudre, mais cernez-moi dans l'ordre, mon esprit part en couille, baston, et mépris ça rend cool. Donc passons à l'action, je détruis ça sans foudre et je m'en fous de grailler. Je bouffe pas de la semaine, mais je suis enfouraillé au cas où ça dégaine. Fou allié, tes carapaces t'as trop sous, mec. Ne crois pas trop me soumettre, moi je suis Jack Sparrow, soumettre. Mm-hmm.